Hey, bienvenue à la bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah. Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Finish him! Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale. Listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, vous êtes bel et bien en train d'écouter Puissance Maximale sur les ondes du puissancemaximale.com. Désolé si le son sonne un peu bizarre, ça se peut. On est toujours en train de tester, nous autres. On est toujours continuellement en évolution. Pour vous, mesdames et messieurs, pour vous informer des dernières nouvelles. En fait, j'ai dit, bienvenue à Puissance Maximale, c'est les ondes de puissancemaximale.com. C'est même pas vrai, c'est Puissance Nano! Ouh! Ben oui, on a aussi Christian, j'active mes écouteurs parce que c'est trop weird de pas t'entendre, Christian. Et voilà, je t'entends. Ok, là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, okay. Ah, c'est parfait. Ben voilà. Donc, vous avez pu reconnaître la voix de Christian Hamel. Hello, hello! Qui va être avec moi pour tester ce pilote-là de Puissance Nano. Donc, qu'est-ce que c'est Puissance Nano, en fait? C'est un petit puissance maximale d'un format d'une heure et tout ça dans l'objectif de vous informer, mesdames et messieurs, de vous donner des nouvelles. Et puisque c'est la première fois que je le fais en solo et devant public... Donc oui, on a un public, on a une personne dans le direct de ma chambre, parce que... Ah ouais. Une chance que ta chambre est grande, parce que là... Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau, c'est hein? Malade. Avec mes belles couleurs beige tristes. Non, ben c'est en thématique, c'est correct. Ah oui. Puis, donc c'est ça, comme je disais, en fait, qu'est-ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'on va vous informer, c'est une heure non-stop de blablatage, de niaiserie, de nouvelles, tout ça parce qu'on trouvait que dans la puissance maximale, la format régulière, on n'avait pas assez de temps pour vous informer, vous, cher public. Et une fois de temps en temps, ben, on va voir des collaborateurs, on va voir des invités, on va voir des interviews qui vont se faire ces mardis-là. Donc, ça va être un rendez-vous hebdomadaire à tous les mardis, sauf avis contraire. Ça peut arriver que pour des raisons médicales, familiales ou personnelles, on ne puisse pas faire l'émission, en même titre que quand on ne peut pas faire l'émission régulière. Donc, dans ce temps-là, restez à l'affût de la page Facebook. On va vous aviser quand ça va arriver. Et donc, comme je disais, cette semaine, on a Christian Hamel qui fait ses propres trucs aussi, mais qui fait également partie de l'équipe Luduc qui, normalement, devrait nous écouter. Fait que salut, Luc. Salut, Luc. On t'aime, Luc. Ouais. On t'aime. Watch toi, prochaine convention. Mais bon, tout ça pour dire qu'on va parler de nouvelles. Et aussi Kevin Lacombe de Popcorn qui a décidé de souper là. Donc, il va venir nous rejoindre plus tard dans l'émission. Est-ce que le monsieur se permet de manger, hein? Ouais, oui, il se permet de manger. On voit très, très clairement qu'il met pas ses priorités à bonne place. Moi, je dis que c'est au moins une strike. Une strike, là, facilement. Au moins une, ouais. Au moins une. On y donne. Avec chance de pardon, mais tu sais, c'est une strike. Puis la prochaine fois, ce sera une strike ferme, là, mais là, on va dire que... On se permet cette fois-là, c'est correct. Ouais, ben c'est ça, là. Donc, sinon, Christian, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Tu m'as demandé que tantôt de préparer des affaires, là, j'étais pas sûr de ce qu'il fallait que j'organise. Fait que là, j'ai préparé un top 5 de mes conseils de la semaine. J'ai mon top 5 de la météo. Et j'ai aussi des nouvelles insolites pour un moment donné. Donc, bref, des manchettes Christian, comme on dit. Ah ouais, un peu de n'importe quoi qui a aucun rapport avec la technologie, puis on va se gâter. Puis sinon, ben évidemment, la semaine passée, on a fait l'émission spéciale E3, où on a parlé de vraiment toute l'actualité du E3. Je pense d'ailleurs, Christian, que tu l'as écouté en partie, ou t'étais là au complet? Oui, je suis là au complet, oui. Donc, comme vous savez, tout E3 égale des annonces, et suite à un E3, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est les annonces de post-E3, donc on va parler également là, de ça, et bien évidemment, comme je disais, on va parler peut-être un peu série télé avec Popcorn, là, quand il va venir sur sur l'émission un petit peu plus tard. D'ailleurs, Kevin qui va nous rejoindre par le biais d'une application du nom de Discord. On fait un test pour voir si on est capable de bien relier ça à notre émission parce que ça peut être pratique pour faire des conférences téléphoniques sans téléphone, bien sûr, mais quand même. Peut être quand même très pratique, donc à tester. Donc, si tu me permets, Christian, on va commencer avec quelques nouvelles poste 3. C'est bien correct. D'ailleurs, une des premières choses que si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, il y a eu des annonces au niveau des DLC de Fallout 4, au niveau du E3, dont la première qui est le Contraption Workshop, qui était en fait un DLC qui vous permettait de faire des mécanismes dans Fallout. Ted Venanco, ça vous tentait de faire des machines folles avec des billes qui détranchent des trappes, des affaires de même, des portes automatiques, puis plein d'affaires de même. Ben, c'est un DLC qui vous permet de faire ça. Et tout ça est rendu maintenant disponible depuis aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà le jeu sur Steam, bien évidemment, votre jeu s'est déjà mis à jour ou devrait l'être prochainement. Donc, vous pourrez vérifier si vous avez des downloads en attente au niveau de votre Steam pour le télécharger. Sinon, si vous n'avez pas la Season Pass et que vous voudriez faire l'acquisition de ce DLC-là, on parle d'un DLC de 5$, puisqu'on parle en fait là, d'ajout d'éléments craftables dans un jeu et non pas un DLC complet. On tient d'ailleurs à vous rappeler que les deux prochains DLC qui ont été annoncés, Vault-Tec Workshop qui vous permettait de construire vous-même votre propre vault. Donc, si, par exemple, vous avez aimé jouer le jeu de Fallout Shelter sur votre tablette ou votre téléphone, ben ça va être possible de le faire dans Fallout 4 en gérant votre propre shelter et avec vos propres citizens, dans vos propres shelter dwellers, si vous voulez le bon terme. Et tout ça devrait sortir le mois prochain à 5$ également. Et vous avez le DLC Nuka World qui va rajouter un nouveau monde à visiter. Et tout ça va vous permettre de visiter tout ça pour le mois d'août à 20$. Donc, tout ça pour dire que des grosses mises à jour au niveau de Fallout 4 qui s'en vient. Sinon, il y a eu un projet Kickstarter, parce que si vous avez écouté le 3, vous vous êtes dit forcément « Où est mon Fable? » T'sais, je veux Fable, parce que vous savez, il y a eu un Fable qui a été annoncé l'année passée au E3, qui était un jeu asymétrique où vous aviez 4 héros versus un vilain, un mastermind que vous pouviez contrôler au niveau là, de faire apparaître les ennemis, tout ça, dans le fond, un peu comme un maître de jeu, si on fait un parallèle avec les jeux de rôle. Ben, ce jeu-là avait été annulé. Et il y a beaucoup de rogne qui s'est faite au niveau là, des joueurs et des fans de la franchise. Et il y a un studio de développement qui avait décidé de partir un Kickstarter. On parle du studio Flaming Pole Studios qui avait parti un Kickstarter pour Fable Fortune. Donc, ils ont commencé à faire le développement de tout ça pour acheter des droits au niveau des studios de Microsoft pour faire le développement du jeu. Le projet Kickstarter a été très rapidement fermé. C'est un jeu, un peu un projet de jeu de cartes, un peu comme Hearthstone, là, si vous voulez vous donner une idée, là, vous pourrez faire une recherche, c'est très facilement trouvable. Et la campagne Kickstarter a été annulée, mais pas pour les mauvaises raisons, en fait, c'est que le jeu a pris preneur. Donc, le studio a trouvé du financement externe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'équipe va pouvoir se concentrer à la mise en ligne d'un bêta? Donc, c'est quand même très intéressant. Juste pour vous dire, Fable Fortune est un jeu qui est prévu pour la Xbox One, l'ordinateur, iOS et Android. Donc, un titre à surveiller. Sinon, dans les autres nouvelles, on a aussi le jeu Star Citizen, un jeu qui fait beaucoup parler, un genre de jeu open world dans l'espace. Juste pour vous donner une idée, Star Citizen, c'est vraiment un cas d'aime ou j'aime pas, parce que c'est pas un jeu où vous avez une trame narrative développé en fait, c'est un jeu où il vous donne un sandbox dans l'espace, vous avez des factions, des clans. C'est un jeu en fait que l'histoire se fait elle-même par l'implication des joueurs. Donc c'est vraiment un jeu open world. C'est un jeu qui a quand même réussi à amasser 116 millions de dollars au niveau du financement participatif. C'est un des jeux qui détient les hauts records au niveau du financement. Et Star Citizen, en fait, ça fait plusieurs fois qu'il a été retardé, qu'il est en bêta, qu'il est en alpha, en phase de test, qu'il y a des correctifs. Et il y a beaucoup de monde qui se demande si le jeu va vraiment sortir en 2016. Et il y a du monde qui ont même perdu espoir au niveau là, de la sortie du jeu. Donc, on parle ici là d'un niveau qui a été fait au niveau de Kotaku. Et il y a du monde qui ont même été jusqu'à Arda. Il y a No Man's Sky qui a été annoncé sur Steam. Alors, quand j'ai une question de notre public qui dit « Est-ce que Star Citizen est déjà sorti sur Steam? » Bonne question, je peux aller le valider là. C'est l'avantage d'avoir sa tour principale devant nous, en fait. Oui, c'est, No Man's Sky, ça a déjà été sorti, disponible en pré-vente. Mais non, Star Citizen n'est pas sur Steam actuellement. Mais tout ça pour dire que là, il y a du monde qui veulent avoir du remboursement parce que les deadlines du studio n'ont pas été respectées. Donc, ça soulève une question. Est-ce qu'il est possible de se faire rembourser un financement participatif sur Kickstarter si le studio ne respecte pas sa date de livraison? La réponse est non, puisque présentement, le studio n'a pas annulé son titre. Et si vous décidez de financer un projet participatif sur Kickstarter, la politique du site est que vous avez une marge de 18 mois pour vous faire rembourser. Fait que vous comprendrez que actuellement, ça avait déjà financé sur Star Citizen, ça fait plus que 18 mois. Donc, ce n'est plus possible de vous faire rembourser. Donc, une certaine rogne, en fait, là, que le monde ont. Mais je vous dirais, quand que vous embarquez dans un projet d'envergure comme Star Citizen dans le financement participatif, faut pas que vous vous attendiez à ce que le jeu se développe hyper rapidement. Parce que vous savez, quand on fait un développement participatif, ils prennent aussi vos opinions. Et s'il y a des mondes qui sortent des bonnes opinions dans les phases de test alpha, puis ils veulent l'implanter, c'est sûr que ça ralentit le jeu. Mais en même temps, dites-vous que s'ils sortent les informations au niveau là, des alphas qui font un développement actif, ben dites-vous que c'est pas parce que le projet est mort. Fait que faut juste que vous soyez patient. Et je vous dirais, j'ai vécu le même principe avec un Kickstarter qui était supposé être livré en mai. Et il y a eu des newsletters du fabricant en fait du Kickstarter. En fait, je vais vous dire, c'est à cause j'ai acheté une litière à chat sur Kickstarter parce que j'étais tanné de faire la litière du chat. Puis, il y a un modèle de litière qui ont sorti que j'ai fait, mon Dieu, ça a l'air vraiment cool. Puis, pour le prix que le Kickstarter écoutait, j'ai fait, j'ai rien à perdre. Fait que j'ai bité sur le Kickstarter, j'ai pledgé, cherché le terme. En fait, la litière, c'est que c'est trois bacs que tu mets un par-dessus l'autre qui sont comme inversés. Et que ça fait en sorte que quand tu veux faire la litière, t'as juste besoin de lever le bac et toute la litière va tomber en dessous. Sauf que contrairement à ceux qui se vendent déjà, la façon que les bacs sont imbriqués fait en sorte qu'ils peuvent faire des plus grandes fentes pour faire en sorte que la litière coule mieux et qu'on se ramasse pas avec quelque chose de tout gommé. Puis tout plein de marde de poignée dedans. Fait que c'est un projet comme ça qui a été fait, j'ai financé, puis la personne qui a fait le projet a comme écrit à plusieurs reprises, écoute, on cherche une place pour faire la production rapidement, mais qui répond aux normes qu'on veut pour que le produit soit durable, de qualité, puis vous ayez de quoi de bien en main pour le financement que vous avez fait. Puis il y a du monde qui ont chialé, il y a du monde qui se sont fait rembourser. Et moi, j'ai dit non, regarde, j'aime mieux... Si j'en reçois la litière 2 mois en retard, 3 mois en retard, ou 4 mois, ça presse pas. J'en ai une litière. Et de toute façon, je veux juste avoir un produit de qualité comme on m'a vendu à la base quand j'ai pledgé. Fait que prends le temps qu'il faut, puis sors-moi un produit de qualité. Fait que quand vous parlez d'un Kickstarter, ayez toujours à l'esprit qu'il peut avoir des délais dans vos affaires. L'important, c'est que vous ayez une communication avec le créateur du produit et que ça se rend bien. Et sinon, ben je crois que nous avons Kevin Lacombe qui vient d'arriver au niveau là, du Discord. Je vais activer son micro. Hello! Salut, ça va? Ça va bien. Alors, parle-nous un petit peu juste pour être sûr qu'on t'entend bien. Je parle un petit peu pour être sûr qu'on m'entend bien. Ça saccade un petit peu. Ouais, ça saccade un peu, mais je pense que c'est moi de mon côté. Ça se peut. On t'entend un peu en double sur la web radio. Ah, c'est parce qu'il doit pogner le deuxième micro? Ça se peut. Je ne sais pas. Ben, à moins que ça soit à cause du Discord. C'est à chaque fois que tu parles, en fin de compte, on entend un peu en arrière. Je sais pas c'est quoi exactement. Ah, ok, ben c'est probablement le micro de Christian qui me capte. Ben, je vais essayer de faire un curve avec ma main, parler de même. Toujours la faute de Christian. Mais sinon, c'est toi de ton côté, quand tu parles puis tu t'entends sur le stream, est-ce que tu t'entends saccader? Écoute, c'est une bonne question. Je viens de fermer le stream parce que j'entendais Discord et toi en même temps, donc c'est un petit peu étrange. Laisse-moi aller voir une petite seconde. Au cas où, c'est juste mon écouteur qui fait en sorte que je t'entends bizarre. Non, je m'entends saccader sur... sur la web radio, je m'entends saccader. On sait que ça clip et déclip. Fait que ça saccade-tu? Ça saccade, oui, sur la web radio, oui, ça saccade. Ça saccade sur la web radio? Oui. Bah. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est Discord qui fait ça, je sais pas exactement. J'ai l'impression que c'est peut-être mon plugin de capture de son, mais je vais essayer de quoi d'autre. Donne-moi 2 petites secondes, Kevin. Y'a pas de problème. Je préfère ma chronique de la météo en attendant. En parlant de mes météos préférées, alors j'avais commencé par le moins 34 degrés Celsius. Ça, c'est bien pratique parce que des fois, l'hiver, tu peux avoir un congé parce qu'il fait trop froid ou les rues sont fermées, les écoles sont fermées, tout le monde est content. Ma prochaine, c'est le moins 10 degrés. Ça, c'est une bonne température en hiver pour se promener, puis ce qui fait pas trop frais, puis d'habitude, on peut faire plein d'affaires. La prochaine, c'est le 0 degré Celsius, parce qu'à 0 degré Celsius, c'est ce qui arrive, c'est que tu sais pas si c'est dans le négatif ou dans le positif. Fait que c'est un peu bipolaire comme température, c'est mystérieux. La prochaine, pour en été, j'aime bien le 18 degrés Celsius. C'est ce qui nous permet bien souvent de dire « Hey, il fait beau dehors, je vais prendre une marche. Il fait pas trop chaud, c'est pas trop humide. » Puis ma prochaine, c'est le 27 degrés Celsius avec un ressenti de 32 degrés Celsius. Ça, c'est un peu trop humide, là, mais ça permet l'été de dire « Ah ben, finalement, l'hiver, c'est pas si pire que ça, mais c'est agréable. » Alors, à toi, Andrew. Je suis encore en train de faire un test. As-tu autre chose à parler? Ah, OK. Ben, attends une minute. Je vais parler une de mes nouvelles insolites que j'ai sorties. Il y a une Terre 9e dernièrement en colère qui a appelé le 911 pour se plaindre que sa pizza n'avait pas assez de fromage. Il paraît que là-bas, le 911, il reçoit beaucoup d'appels de gens frustrés, mais pour des raisons qu'il devrait même pas gérer eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont dit au 911, c'est de parler avec le gérant du restaurant de tout simplement, puis essayer de gérer ça avec lui. Fait que on sait pas comment ça a fini, mais au pire, si j'avais un conseil à lui donner, c'est va t'acheter du fromage puis mets-le toi-même sur ta pizza. Au pire, fais ta propre pizza puis tu vas être pas mal plus ravi de ce que tu manges. Je sais pas trop. Là. Mais on dérange pas le 9-1 pour rien. Là, je vais essayer de faire du contenu encore. Je vais essayer de parler de... Ah ouais, il y a un homme de Saint-Tech en Mauricie qui va parcourir la distance entre Percé et Québec en monocycle. Ça va être pour ramasser des fonds pour les bras robotisés. Ce jeune homme s'appelle Pierre-Olivier Hudon. Ça, c'est un beau grand départ qui va se faire un moment donné cet été, mais ça fait 12 ans qu'il fait du monocycle. Ça, il devrait pas tomber, mais c'est quand même une très bonne distance. Considérant qu'il y a juste une roue, que s'il y a un flat, ben, là, il est poigné bien raide de pas pouvoir pour avancer, mais je pense qu'il va être avec un, il va être pas mal bien structuré, je pense. Oui. Alors, je vais lancer, je vais tout prendre mon contenu en une shot, je pourrais parler de mes onomatopées préférées, mon premier c'est Ouais. Celui-là, d'habitude, je peux l'utiliser quand je suis dans un centre d'achat, puis qu'il y a une madame qui me dit « Hey, tu veux acheter un petit billet pour le tirage? » Je fais « Ouais. » Il est pratique, mais il peut pas être utilisé dans n'importe quelle circonstance. Alors, Andrew, est-ce que ça va toujours bien? Bon, on va faire un test, si Kevin, il peut parler, voir. Je peux parler, c'est pas un problème. J'ai la capacité vocale de parler constamment. Je parle pas constamment, par contre, parce que des fois, je m'écœure, je dis n'importe quoi. Puis là, ça saccade encore. Ouais. C'est un problème ça a quand même l'air un peu moins pire. Essaye donc, voir. J'essaye encore, on va voir. Ça a l'air un peu encore saccadé si j'écoute sur la web radio. Ouais. C'était pas mal saccadé, ouais. Ouais. Après ça, t'as un problème de bande passante. As-tu d'autres choses qui travaillent? Non, pas de problème de bande passante. C'est vraiment le plugin qui capte le son, qui chisel. Qui chisel. Alors, vous comprendrez, le public qui nous écoute actuellement, c'est qu'on en profite pour faire un test en même temps pour les autres fois où on aurait comme un podcast à faire avec du monde. Qu'est-ce qu'on peut essayer peut-être, par exemple, Kevin, si tu me permets, on peut peut-être essayer de switcher sur un Hangout, voir si ça sonne mieux. Tu veux m'envoyer un lien, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, je vais faire ça. Parfait. J'attends ton lien. Ouais. Ok, je vais fermer Discord pour être sûr que ça cause pas de problème. Cool. Thank you. Donc, Christian, je sais qu'on a dit qu'il allait pas avoir de musique, mais je pense que pour le temps de régler le problème technique, on va faire exception à la règle pour cette fois-ci. Donc, on va aller à une petite musique rapidement. Je suis en train de regarder. Je suis en train de la regarder ça rapidement. Surprends-moi, là. Est-ce que tu possèdes Madame la Marquise? Non. Ah, OK. Mais je vais mettre la toune Lava Flow Stresem Turbo Pulse du groupe 8, du groupe Oozed de l'album 8-Bit Empire. Ça va avoir le temps qu'il faut pour que je puisse régler ça. Et on revient pour vous sur les ondes de puissance maximale dans quelques instants. Thank you. Et oui, de retour à Puissance Nano. Malheureusement, on ne pourra pas parler avec Kevin. Effectivement, les tests que j'ai faits étaient concluants, mais évidemment, la journée où on a besoin que ça marche. Ça fait quoi, Christian? Ça fait de la magie, mais à l'envers. Il n'y a pas de magie. Non, non. La vie est cruelle, Christian. Mais bon, comme vous savez, c'est une première, c'est un rodage, c'est des choses qui arrivent. Et malheureusement, c'est arrivé. Fait que, on peut pas faire grand-chose à part dealer avec. Ouais, ben, au moins, il est pas mort. Il va pas revenir un jour. Ben, après l'émission, on va faire des tests là-dessus. Donc, au moins, voyez le bon côté des choses. Ça marche, mais juste pas comme faut. Ouais, fait qu'on va régler ça. On a une partie. Une partie. Donc, sinon, autre nouvelle. En fait, on va parler en fait de Dead Stranding, le jeu de Hideo Kojima qui est annoncé, le jeu qui a fait What the fuck? Parce qu'en fait, on en a parlé un peu. J'ai dit que j'étais hypé, que la bande-annonce n'a pas dit grand-chose. En fait, il y a un petit peu d'informations qui est sortie par la suite. Juste pour vous dire, je me rappelle pas si je l'ai dit la semaine passée. Fait que tu vas peut-être pouvoir me corriger si tu as une bonne mémoire des émissions, Christian. Okay, comme je disais, Hideo Kojima, en fait, ça a été confirmé. Hideo Kojima a effectivement carte blanche au niveau là, du jeu. Également, un budget illimité. Donc, la bande-annonce que vous avez vue, en fait, de Death Stranding, c'est du in-game engine. Donc, c'est pas une cinématique. C'est comme exemple de... Ouais, une vidéo pendant une vidéo, oui, c'est une cinématique, mais faite avec l'engin du jeu. Donc, ça fait en sorte que c'est les graphiques in-game que vous avez pu voir. Et le monde était comme, ouais, ça va être quoi comme style de jeu? Ou des choses comme ça. Ben, en fait, Hideo Kojima, grand gourou du mindfuck collectif avec ses bandes-annonces, il y a déjà des nouvelles qui sont sorties comme de quoi qu'il y a des indices de cachet dans le vidéo qui peut nous dire à peu près ça va être quoi le jeu. Et la première chose qui a commencé à sortir, c'est qu'on pouvait remarquer que Norman Reedus avait un genre de collier avec des genres de clés USB après. Donc là, le monde, il dit, ah ben oui, ça ressemble à une clé USB SanDisk, et il faisait un parallèle avec des vraies clés USB qui existaient. Et j'allais remonter mes lunettes, qu'est-ce que j'ai pu? Mais ça a été confirmé par Hideo Kojima que ce ne sont pas des clés USB, que c'est vraiment des genres de dog tag, en fait. Et si on zoome dessus, on se rend compte qu'il y a des équations mathématiques sur les clés. Donc, si vous avez un moyen d'avoir une vidéo en haute qualité de cette bande-annonce-là, ben il y a effectivement des indices de camouflés dans la vidéo. Donc, si vous vous sentez... c'est une vraie chasse au trésor, mais ouais, technologique. Ben c'est ça. T'sais, si vous vous sentez comme un chasseur de trésors d'attaque là, pour trouver des percées secrets, je vous dirais, il y a des Reddit là-dessus. Vous pouvez faire des recherches. Et Hideo Kojima a confirmé qu'il y avait bel et bien des éléments de cachet dans les éléments là, de la bande-annonce et qu'il fallait pas se fier uniquement à qu'est-ce qu'on voyait. Donc, il faut quand vous regardez la bande-annonce, faut pas que vous la regardiez uniquement d'un premier niveau. C'est une vidéo qui a plusieurs niveaux d'interprétation. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, regarder, y aller quasiment image par image pour voir si vous pouvez pas voir le micro détail dans la bande-annonce qui peut justement là, faire en sorte que vous allez décrypter des choses. Et également, ça a été prouvé que c'est un nouveau jeu, donc t'es, vous pouvez pas arriver puis dire ah c'est Silent Hill, t'es comme P.T. avait fait. C'est un nouveau jeu, donc les annonces qui vont sortir, c'est en lien avec ce que vous allez trouver dans vos recherches qui va vous aider à comprendre c'est quoi le jeu. Ok, fait que le prix du jeu, c'est peut-être de découvrir ce que c'est, ou peut-être que même que c'est juste ça le jeu, peut-être qu'il y aura juste pas le jeu, il faut juste deviner c'est quoi. Peut-être. Ça serait le plus gros troll de l'univers vidéoludique ever. Le jeu, vous l'avez fait, mais avant d'y jouer. Ouais, c'est ça. Tu trouves le jeu, puis il faut que tu mettes la réponse de toutes les équations mathématiques qui étaient cachées dans la vidéo. Sinon, tu peux pas jouer. ça serait une bonne mission pour Claude Robesson. Ça, c'est fou. Il y aller image par image. Lui, il est bon pour spotter les détails. On va le mettre sur le dossier. Ouais, on l'appelle Claude Robesson tantôt. Toi, anyway, avec ton téléphone, tu dois bien avoir son numéro. Ouais, j'ai plein de numéros. Prends pas Madonna, elle parle anglais. Et sinon, autre nouvelle, Post 3, un jeu qui a fait beaucoup parler, le nouveau Zelda, au niveau là, de Zelda Breath of the Wild. En fait, il y a du monde qui se disait, à cause que ça a été confirmé, le jeu va sortir sur la Nintendo NX et la Nintendo Wii U. Et Nintendo s'est fait énormément critiquer justement avec le tournant du jeu asymétrique qu'on appelle, donc avoir deux écrans, la manette et la TV. Nintendo ont eu plusieurs commentaires disant, est-ce que Zelda Breath of the Wild va avoir un mode de jeu asymétrique? Est-ce que la Nintendo NX va rester dans la veine des jeux asymétriques? La réponse, mesdames et messieurs, est non. Zelda Breath of the Wild n'aura pas de gameplay asymétrique. Et si vous l'avez sur le Wii U et la NX, vous allez avoir la même expérience de jeu au niveau des contrôles. Bien évidemment, probablement que la NX va avoir des graphiques un peu plus beaux, un peu plus lichés que la Wii U. Là. Sinon, ce serait un peu con. Mais ça pourrait donner un bon indice de ce que sera la NX. Exactement. Et donc, si vous étiez inquiet à savoir est-ce que je vais falloir que je regarde ma manette de Wii U pour cibler avec une flèche ou des affaires de même, la réponse est non. Donc, également, moi, je soulève une interrogation. Le monde attendait un Star Fox. Il y en a plusieurs qui ont été déçus de Star Fox Zero. Moi, c'est pas le cas. Je suis très content de mon Star Fox. Mais il y a du monde qui était très déçu. Est-ce que on va avoir le droit à une revisite de Star Fox sur la NX? En même temps, ça a pris beaucoup de temps avec face à un autre Star Fox. Alors, d'en sortir un tout de suite après l'autre, j'en douterais. Ça serait le fun. Ouais, c'est sûr. On veut plus de Star Fox, Nintendo. Ouais, il en faut parler. Une question du public. Tu sais, là, il voulait sortir pas le Banjo-Kazooie parce qu'ils n'ont pas le droit à cause de l'emprunt des noms pis tout, mais tu sais, ils voulaient faire comme l'équivalent, là. Il y avait un Kickstarter là-dessus. Ukulele. Ouais, ils sont rendus où? Ben, en fait, ils devraient sortir début de l'année prochaine. Le studio a fait une annonce et d'ailleurs, ils ont eu un partenariat avec Team 17, l'éditeur qui est en arrière de Worms, pour pouvoir avoir un contrat de publication plus efficace. Et le jeu est toujours prévu sur PC, PS4, Xbox One et... La Wii U. Wii U, hein? Oui, parce que je l'ai commandé pour la Wii U. J'ai hâte à ce jeu-là aussi. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte. Ça fait partie des séries qu'on avait besoin de ça dans le domaine du jeu. Il manquait quelque chose, puis c'était ça, cette équipe-là. Comme Shenmue 3. Aussi. Ça, je démords pas. Il y a trop de jeux qu'on attend. J'attends encore après Beyond Good and Evil de Ubisoft. Ça fait quoi, c'est 15 ans qu'on attend la suite? Ben, à peu près comme Shenmue 3. c'est... Mais je dirais jamais comment j'ai mis sur le Kickstarter de Shenmue 3. Comme tu disais tantôt, on va attendre pour avoir un bon produit final. Ben c'est ça, ils prendront le temps qu'il faut. Et sinon, si vous êtes détenteur d'une PlayStation 4 et que vous n'êtes pas membre PlayStation Plus et que vous aimeriez tester le produit, ben sachez que le PlayStation Plus sera gratuit tout le week-end pour les détenteurs de PlayStation 4. Donc c'est un peu une lame à double tranchant, je vous dirais, parce que moi je suis membre PlayStation Plus pour ma PS4, donc parce que je rentabilise mon PlayStation Plus en prenant tous les jeux gratuits qu'il offre à chaque mois, même s'il y en a là-dedans que je jouerai jamais. Mais c'est juste par principe que je l'ai mis dans mon panier, fait comme ça si un jour je vais y jouer, ben je l'ai. Ben ces jeux-là, ils restent gratuits tant et aussi longtemps que vous êtes membre PlayStation Plus. Fait que si vous le mettez gratuit en fin de semaine, ils vont sûrement de mémoire, en fait, les jeux PlayStation Plus de ce mois-ci sont quand même assez solides. Fait que fort probablement que vous allez télécharger. Ouais, ben c'est ça. Probablement que vous allez télécharger les jeux, vous allez y jouer, vous allez triper, puis après ça, lundi, les jeux vont se verrouiller parce que vous n'aurez plus PlayStation Plus. Puis là, surprise! Puis là, vous allez vouloir payer, puis là, vous allez être pogné avec. Mais quand même. En même temps, prendre un abonnement par la suite serait moins cher que payer le jeu en tant que tel. Ben, c'est 7$ par mois. Ouais, c'est ça. Puis si ça vous tente de l'être, ben ils coûtent moins cher si vous le prenez à l'année. Puis comme je vous dis, les jeux qui mettent gratuit, ça joue à peu près entre une valeur de 15 à 30 $. Vous en avez deux ou trois par mois. Faites le calcul. C'est juste que deux mois et tous les jeux vous intéressent, puis vous venez de rentabiliser votre abonnement PlayStation Plus. Autrefois, jadis, c'est comme une location, mais là, tu as le jeu complet le temps que tu veux. Pendant que tu as l'abonnement. Ben c'est ça. En fait, vous voyez ça un peu comme un Netflix. Ouais. Sauf que le catalogue, il change à chaque mois. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous dirais, là, si vous voulez avoir le PlayStation, le tester le service, ça va être le moment en fin de semaine. Sinon, il y a un autre jeu qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est Mighty No. 9, qui est la suite spirituelle de Megaman. En fait, le papa de Megaman, dans le fond, Keiji Inafune, je sais pas si je le dis comme faux, mais en japonais. En japonais, il est impeccable, c'est correct. Mais tout ça pour dire que il a fait un gros Kickstarter pour financer le tout, comme dire on va ramener ça aux bases, on va ramener ça au Megaman que vous aimiez, puis tatati tatata. Ben le jeu, il y a eu des retards, il y a eu des prolongations, le jeu est finalement sorti. Et malheureusement, il fait pas l'unanimité, en fait. Il a été un peu certaines personnes qui ont été déçues au niveau là, du produit final. Il y a eu trop d'attentes sûrement. Probablement. Est-ce que c'est la même série que Mighty Switch Wars? Parce que je regarde l'image, ça a l'air d'être le même style du jeu. Ben, en fait, c'est comme vraiment un Megaman, en fait. Ok, je me demandais si c'était dans la même lignée, même compagnie. Ben non, c'est... Un autre style futuriste qui sort. Une autre question du public. As-tu joué au nouveau Mirror's Edge? Non, oui, mais j'ai pas l'argent pour le moment. Ben, c'est ça. Monétaire. Et sinon, ben tout ça pour dire que ouais, ben c'est un reboot spirituel en fait. Ouais. Ouais, ben c'est juste qu'on va changer quelques petites affaires. Et tout ça pour dire que Mighty No. 9, jeu qui est sorti sur la Xbox One, le PC, le PlayStation 4, a une note métacritique de 55 sur 100. Ooh. Qu'est-ce qui est très bas. Et quand on a parlé en fait au créateur que les joueurs étaient déçus ou quoi que ce soit, ben il a tout simplement répondu: ben c'est mieux que rien du tout. Et quand que les journalistes ont essayé de dire Ouais, ok, mais est-ce que vous allez essayer pour rendre le monde content de sortir des DLC ou des choses comme ça pour rajouter de la valeur à votre jeu? L'améliorer un peu. Et il a dit non, il n'y aura aucune microtransaction et aucun DLC, donc le jeu il est comme ça et maintenant on passe à autre chose. Ah, ça c'est le plaisir des jeux d'avenir. Ouais. Le créateur qui veut juste se baser à ce qui est fait à la base et non se fier au pouvoir décisionnel des joueurs qui voudraient trop en avoir peut-être. Non, c'est sûr, mais sinon, quand tes joueurs sont déçus, c'est à moins des ouais, choses de ça. Sortir au pire aller un DLC gratuit. Mais l'auteur du jeu, en fait, au niveau de sa déclaration, a sorti, je cite, « La vérité, c'est qu'ils ont tout donné en faisant ce jeu. Ils n'ont pas pensé à un système de microtransactions. Ils n'ont pas réfléchi à des DLC. Tout est dans le jeu. Donc, pour le moment, vous avez ce que vous voyez. Mais une fois encore, il y aura des suites. Parce que je vais vous dire, mon appétit pour les jeux en 2D, en side-scrolling, n'est pas rassasié. Et en fin de compte, même s'il n'est pas parfait, c'est toujours mieux que rien. En tout cas, c'est mon opinion. » Fait que bref, on sort un jeu qui répond pas aux attentes de nos fans qui ont financé. Puis ce jeu-là a quand même atteint beaucoup là, au niveau là, du Kickstarter, là, au niveau du montant. C'était financé. Fait que oui, il aurait dû se fier à l'avis de tous ceux qui ont contribué. Ben exactement. Et sortir une réponse du genre « il va avoir des suites », je sais pas, je trouve ça dans le style « ben écoutez, j'ai pris votre argent pour démarrer mon affaire, j'ai sorti un jeu « entre guillemets bâclé ». Maintenant que j'ai votre argent, que j'ai sorti le jeu, que j'ai parti mon équipe, là, on va sortir des suites qui vont avoir de l'allure que vous allez acheter plein prix. Parce que si vous faites le calcul, t'es comme exemple, on parlait du ukulélé il y a quelques instants. Dans le cas exemple que vous avez participé au financement participatif de ukulélé, vous payez pas le jeu plein prix. Là, le jeu, il va fort probablement se vendre 60-70$, alors que normalement, on paye à peu près 35-40$ pour une version dématérialisée. C'est sûr que vous pouvez payer plus cher si vous voulez avoir toutes les goodies, comme moi, j'ai payé le gros prix pour Shenmue 3 parce que je voulais toutes les goodies qui venaient avec et autographier. Mais bon, tout ça pour dire, je dirais pas le prix. Je vais le dire à Christian Hordon, ils me jugeront. Ah, tu m'as déjà dit, c'est correct. Ah, ok, c'est bon. Un million. Non, c'est pas un million. Mais vous me jugerez. Non, j'ai pas acheté mes rejets. Mais tout ça pour dire que je trouve ça ordinaire, surtout pour une légende comme le père de Megaman, d'avoir ce genre d'attitude-là, en fait. Là. J'ai trouvé ça très, très moyen. Et je trouve que ça fait un peu... Arrogant. Arrogant, tu sais. Ouais, c'est arrogant. Et ça, c'est sans compter, en fait, que les versions Linux, Mac et 360 ont été reportées à plus tard, sans aucune date déterminée. Aussi. Et que les backers pour la Xbox 360 se sont fait offrir des codes Steam en guise de compensation. Ça, c'était vraiment une surprise. Peut-être qu'il va peut-être jamais sortir, mais il ne dira pas tout de suite. Il va attendre de peut-être partir un autre projet ou un truc du genre. Je sais. Fait que disons que douche froide au niveau des backers là, de Mighty No. 9. Désavant parce que j'avais quand même une certaine hâte d'essayer ce jeu-là, là, en fait. Là. C'est quand même décevant, ça donne une mauvaise image au Kickstarter puis aux autres projets qui pourraient se développer de même, qu'il y en a d'autres qui pourraient faire vraiment quelque chose de bien. Ukulele, ça, j'ai aucun doute, ça va être bon. Mais d'autres compagnies qui voudraient se lancer dans le domaine de se faire financer, si les autres pensent juste à l'argent puis faire un jeu de marde, ben. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, je dirais qu'il y a eu beaucoup de plaintes aussi, qu'il n'y avait pas beaucoup de mises à jour au niveau là, du projet, là, au niveau du créateur officiel du jeu. Tu sais, comme je disais, tu sais, le projet de litière, avant que vous me demandiez, c'est L-U-U-P, Loop, le nom du projet. Mais tu sais, comme lui, il restait en constante mise à jour, puis il nous donnait des informations à savoir où est-ce que le projet en était. Ukulele, c'est pareil, on a des newsletters assez régulières. Très souvent. Même, j'ai déjà commandé un monocle dans un emballage spécial. Il y a toutes les semaines, lui qui a parti le projet, il nous mettait tout le temps, c'était juste un monocle, c'était juste un gag. C'était 7$, t'achetais un monocle, il arrivait dans un emballage de condom, puis c'était drôle, genre un monocle, une seule utilisation. Mais il nous maintenait tout le temps au courant de tous les déroulements, puis il y avait des retards, il nous disait, puis il continuait à le dire, ça s'en vient, mais on n'est pas arrivé. C'est juste important que les copains le fasse, peu importe la grosseur du projet. Puis également, t'es comme je disais, j'ai participé au financement de Shenmue 3. Shenmue 3, c'est la même chose. En fait, ils nous disent dans les mises à jour, ah, ben là, on aurait besoin d'un expert plus gros pour telle affaire parce que là, on s'est buté un nœud avec notre équipe actuellement, qu'on n'a pas l'expertise pour le faire. Puis là, la semaine d'après, on a un autre update. Ils nous disent, ah, ben telle personne a joint l'équipe, ils mettent une photo. dit cette personne-là fait telle affaire, c'est lui qui va être mandaté pour défaire le nœud. Puis tu sais, il nous envoie des photos d'évolution du projet, des screenshots. On se sent comme dans l'équipe dans ce temps-là. Des sondages. En fait, l'équipe de Shenmue envoie énormément de sondages. Comme ils disent, mettons, ah, t'es dans telle ville, on aurait envie d'incrémenter telle mécanique pour faire telle affaire. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, là, on peut aller sur le sondage et donner notre avis si c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis ça, c'est ça qui est important avec les Kickstarter. C'est quand que les développeurs posent des questions aux backers, c'est que les backers répondent. Et tu sais, oui, je comprends qu'il y a certains Kickstarter qui ont mené un fiasco parce que soit ça a été annulé ou c'était un cas de fraude. Mais tu sais, quand c'est un créateur du jeu vidéo, des choses comme ça, peut-être pas lui qu'on vient de parler, là. Mais tu sais, comme Sakura, tout ça, t'es lui qui fait Shenmue, les anciens employés de Rare qui ont parti leur propre studio pour faire Yooka-Laylee, ils sont très proches des backers, même si c'est des millions de gens. Puis, ils communiquent et ils prennent en considération les réponses. Et ça, c'est qu'est-ce qui est important. Ils sont pas obligés de prendre toutes les réponses en compte parce qu'il y en aurait bien trop. Mais tu sais, les scénaristes, ils devraient quand même laisser une place à l'ouverture pour modifier quelques trucs tout en restant dans leur ambiance, dans leur goût à eux autres parce qu'ils veulent quand même créer un monde qui leur appartient. Exactement. Donc, comme je disais, investissez intelligemment sur Kickstarter et gardez confiance. T'sais, vous avez pas idée des fois quand quelqu'un bute un nœud ou quoi que ce soit dans un projet, puis dit « Ah, on est obligé de retarder », puis là, on a à peu près le trois quarts des membres backers qui commencent à chialer puis à dire « Ah non, là, on est fâchés parce que notre projet, il est pas livré dans les dates ou quoi que ce soit ». Vous avez pas idée à quel point ça peut miner le moral également de cette équipe-là qui travaille là-dessus. Puis, t'sais, les stresser et faire en sorte que, justement, vous avez pas le produit que vous aviez payé pour à la fin. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent pas faire plaisir à tout le monde, mais au moins que la majorité le souhaite. Ben, c'est ça. Et sinon, autre jeu du E3 qui a eu de plus d'informations, le jeu Days Gone. Grosse surprise, en fait, du E3 de mon niveau, là, au niveau là, de la conférence Sony. Jeu qui s'était présenté au début avec une bande-annonce rappelant beaucoup Last of Us, un genre de monde un peu post-apocalyptique avec justement la chute de l'humanité qui a eu lieu et les gens sont en mode survie. Ils doivent justement ramasser des ressources et faire en sorte là, qu'on peut... qui peuvent survivre. Au début, on n'avait pas idée là, si les ennemis, si c'était d'autres humains ou si c'était des clickers, si c'était réellement un Last of Us, dans le fond, ou si c'était des zombies ou des extraterrestres ou whatever. Le mystère plané. Et finalement, à la toute fin, ça a été démontré que c'était des zombies un peu à la mode World War Z, là, dans le fond, des zombies qui courent et qui sont quasiment un liquide parce que quand ils se butent à un obstacle, ils se font juste s'empiler juste attendre que ça passe par-dessus. Donc, jeu qui m'a vraiment impressionné, qui semble vraiment intéressant. Quand on voit le personnage, on voit qu'il chevauche une moto, que c'est un genre de moteur. En fait, ça a été confirmé par le studio Sony Blend que la moto était un élément indispensable au niveau du héros. Et à cause de tout simplement que le monde va être quand même open world, mettez pas open world un Skyrim ou quoi que ce soit, un jeu genre ouvert, marchant par région, on a des éléments à réaliser, mais la trame narrative va nous envoyer à d'autres endroits qui va avoir d'autres éléments. Si vous voulez peut-être avoir une idée, peut-être un monde ouvert un peu à la Dead Island. T'sais, vous avez comme un secteur. C'est pas le même généré, c'est conçu pour, mais. C'est ça, c'est juste parce qu'un monde ouvert comme Skyrim, c'est que c'est énormément grand et tous les événements se passent à temps réel ou à des éléments trigger dépendamment de vos déplacements. Alors que vous pourrez pas tout voir dans un Skyrim. Il y a encore le jeu, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans qu'il est sorti, puis il y a encore du monde qui découvre des choses en Skyrim. Parce qu'il y a des heures et des heures et des heures et des quêtes qui se démarrent, en fait, à des choses très précises comme telle journée, telle heure, à tel moment, avec tel item dans ton inventaire. Ça peut être aussi poussé que ça. Tandis que, au niveau de... J'ai oublié le nom du jeu. Days Gone. J'arrête pas de l'oublier, ce jeu-là. C'est incroyable. Days Gone, ben on parle de maps un petit peu plus petites qui vont voir également des événements. C'est pas un open world par simple principe que les maps sont plus petites, mais vous allez tout voir qu'est-ce qui se passe dans ces éléments-là. Quand l'histoire va vous emmener à un autre endroit, là vous allez avoir un autre map où la map va s'agrandir dépendamment en fait du fonctionnement. En fait, si vous voulez un parallèle, c'est un peu comme les anciens Grand Theft Auto. Et comme mettons, quand vous aviez joué à Grand Theft Auto 3, vous aviez une énorme carte, mais vous pouviez pas aller n'importe où tant aussi longtemps que l'histoire vous permettait pas d'aller jusque-là. Ben, c'est à peu près le même principe. C'est que vous allez avoir une limite de certains endroits, vous n'êtes pas assez équipé pour vous rendre plus loin, mais l'histoire va vous permettre d'y aller. Ben en fait, c'est que l'élément de la moto et tout ça, ben c'est que le jeu va être équipé premièrement d'un système de météo dynamique qui va rendre l'ambiance comme plus prenante et imprévisible. Donc c'est justement le principe, c'est que vous allez augmenter l'équipement, vous allez augmenter votre moto, vous allez monter vos gears, vous allez monter toutes vos choses pour vous permettre de faire des plus longs trajets que vous pouvez jamais faire à pied, que vous pouvez pas faire si vous avez pas l'équipement, que vous pouvez pas faire si votre moto n'est pas préparée à faire ce voyage-là. Donc, tu sais, la moto va avoir un élément important au niveau là, de la jouabilité du jeu. Qu'est-ce qui va faire en sorte là, que ça va vous permettre d'aller justement vivre les événements historiques là, que vous avez au niveau de la grandeur de la carte. Et justement, la gestion de ressources implique également la gestion d'essence, la gestion des réparations de la moto, parce que la moto va pouvoir se briser. T'avais dans le cas exemple que vous êtes en train de rouler dans un gros orage ou quoi que ce soit, puis vous faites un accident parce que vous glissez, parce que oui, la chaussée va être glissante. Et je sais pas si vous avez, s'il y a des moteurs qui nous écoutent actuellement, là, du monde qui font de la moto. Vous savez sûrement que faire de la moto quand il y a un orage, c'est pas safe. Donc, tu sais, s'il arrive de quoi pendant votre trajet, ben, il faut que vous soyez équipé, il faut que vous ayez les outils, il faut que vous ayez l'équipement. Donc, tu sais, la moto va être vraiment le nerf de où est-ce que vous allez pouvoir aller dans la carte en lien avec l'histoire. Donc, des fois, le monde, il se demandait justement, est-ce que c'était juste pour le look de la bande-annonce ou c'était vraiment quelque chose clé? C'est important, oui. La réponse est oui. C'est clé. Et oui, il va y avoir des mécaniques de jeu reliées à la moto. Donc, qui sait, peut-être à un moment donné, vous allez vous ramasser à vous fuir d'une horde, ma foi, énorme de zombies en moto. Et là, vous allez vous retrouver à tirer en arrière pendant que vous roulez, puis ça va être vraiment le bordel. Moi, je trouverais ça vraiment cool. Ouais, c'est malade comme concept. Ils ont poussé un côté de réalisme un peu plus loin en allant vers un véhicule que tu peux... comme monter à ta façon selon que tu vas trouver aussi, sûrement. Si c'est pas apocalyptique, ça va sûrement être aussi des pistes qu'on peut trouver et non seulement acheter, parce qu'il y a personne pour acheter de toute façon. Non, c'est ça. Fait que t'es, c'est vraiment de la recherche pour vraiment pouvoir aller plus loin. Ouais, ben c'est ça. Puis t'es, en même temps, comme tu dis bien, Christian, c'est un monde post-apo. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qui arrive, c'est que probablement que les routes sont pas toutes belles non plus. Fait que t'es, comme je disais, d'où l'importance d'être bien équipé. T'es, si vous devez passer absolument par une route qui est sur le bord d'une falaise, vous avez un putain de gros arbre qui est tombé sur le chemin puis vous pouvez pas passer avec votre moto, ben t'sais, peut-être que vous pouvez passer par-dessus à pied, mais vous avez encore une méchante bonne trotte à faire sans la moto puis que vous serez pas capable d'y arriver. Donc. Puis d'ailleurs, il a pas été mentionné, mais je présume que justement, si la moto est tant élément clé que ça, je serais même pas surpris qu'on soit obligé de manger ou de boire. Je serais même pas surpris. Ah ouais. T'sais, ça a pas été mentionné, ça a pas été parlé, ouais. Parce que dans la bande-annonce, t'sais, vous comprendrez que c'est une démo de E3, là. Donc, ouais, il y avait pas de munitions, il y avait pas de limite de munitions. C'était plus bas que bêta. Puis, t'sais, c'était en alpha, là. Ouais, c'est ça. Bon, ben, t'sais, je serais même pas surpris, t'sais, pour que la gestion de la moto aille aussi loin de la gestion de pièces, de la gestion d'essence et tout ça. Je serais même pas surpris qu'il faut des ressources pour manger et boire. Je serais pas surpris. Mais pas du tout. Et si la moto se démonte, peut-être qu'on pourrait même croire que pour traverser un ravin, il faut démonter la moto et la traverser pièce par pièce. Je pense que ça va être un petit peu trop compliqué, ça. Mais ça serait vraiment archi long pour bien. mais t'sais, jeu à surveiller, ça a été une de mes grosses surprises inattendues du E3 avec la conférence de Sony. Puis je voudrais avoir des nouvelles comme ça, comme de quoi que la moto va être vraiment l'élément clé du gameplay. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ce jeu-là va vraiment nous offrir au final comme expérience. Puis on n'aura pas le choix d'attendre les prochains salons, malheureusement, pour avoir l'information complète. C'est vraiment juste un teaser qu'on a eu au E3. Mais ça va être vraiment à surveiller. Sinon, le temps passe vite. Le temps pour une dernière nouvelle avant la conclusion de l'émission, à moins que tu avais d'autres points, Christian. Pas sur les jeux. Je pourrais y aller avec les conseils pour finir la semaine. Ah ben, Gann, on va faire la dernière nouvelle. Ah, okay, on va y aller en conclusion avec toi là-dessus, okay, Christian, parfait. Parce que je trouve que ça... Tout le monde va passer une très belle semaine après ça. Ben, c'est ça, exactement. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Sinon, ben, jeu de la conférence Microsoft, Halo Wars 2, jeu que moi j'ai particulièrement très hâte de jouer parce que je suis fan de la franchise Halo Wars. Ça a été vraiment le jeu qui a été annoncé que j'ai fait En fait, j'ai dit d'autres mots que ça, mais je vais me garder une réserve. Non, c'est vrai, on n'est plus sur le FM. J'ai fait hostie de calice. J'ai fait oh mon dieu. En plus, il a été fait en collaboration avec Creative Assembly. Est-ce que ben, chaud. Aussi le mot ouais. Ouais. Oh, mais juste pour vous dire. D'ailleurs, je viens tellement de réaliser ça. Il y avait une bêta sur Xbox One qui était supposée de se dérouler du 13 au 20 juin. Et elle a été prolongée jusqu'au 22, donc demain. Ouais, ben, ça fait un peu de temps, là. Ouais, mais donc c'était une bêta ouverte pour essayer qu'est-ce qui était fait à Halo Wars 2. Si vous l'avez pas fait, comme moi, je vous recommande d'aller télécharger le jeu. Chose que je ferai tantôt à distance grâce à mon application Xbox à distance. Est-ce que ça arrête à minuit pile ou Non, en fait, normalement, ils attendent que ça soit le 23 de façon internationale. Donc ça a été rallongé. En fait, chose à savoir, c'est que la bêta multijoueur a été officialisée au E3 lors de la conférence Xbox. Il faut prévoir 13 gigs d'espace disque sur votre console pour pouvoir y jouer. Vous n'avez pas besoin d'être membre Gold pour en profiter. Le jeu est attendu pour le 21 février 2017. Donc, allez télécharger ça. Jouez au jeu jusqu'à temps qu'il est en ligne. Chose que je vais faire ce soir, comme je disais, après avoir réglé mes trucs avec Kevin. Et je vous dirais, Halo Wars sur Xbox 360, ça a été une de mes très belles surprises. Je m'attendais à rien au niveau d'un RTS sur console. Seule déception que j'avais, c'est que personnellement, j'ai à m'en confesser jouer un RTS sur une console. Donc, ça m'a fait vraiment suer. À cause de la manette, ça? Ou... Ouais, okay, ben c'est quoi, je trouve que ça se joue mieux avec une souris. Ouais, mais ça, c'est des caprices. Ouais. C'est mes caprices de joueur. Fait que j'ai joué le jeu, j'ai fait l'histoire, j'ai trippé comme un malade, mais j'ai jamais rejoué. Et Halo Wars 2, oui, la bêta est sur la Xbox One, mais il va sortir également en même temps sur Windows 10 grâce au projet Passport Play Anywhere que Microsoft vont lancer. Donc, j'ai juste hâte de jouer sur mon ordinateur avec une souris à Halo Wars 2. Donc, c'est mon gros hype du moment. Fait que, allez jouer à la bêta ouverte qui est prolongée jusqu'au 22 juin. Ça vaut la peine. Sinon, Christian, pour le mot de la fin, on va y aller avec ta chronique. Ah oui, ça va être mes petits conseils pour bien finir la semaine. Et je dédie ces conseils à Kevin, qui n'a pas pu être avec nous pour l'instant. Alors, on va y aller avec le premier. Lorsqu'il fait chaud, ça c'est ce qu'on vient de vivre, c'est pas mal 3 jours de canicule, ça vaut la peine de se laver recto verso. On l'oublie souvent, on n'en parle pas souvent, mais on se beaucoup du dos quand il fait chaud. Mon deuxième conseil, lorsqu'on fait du compost, c'est ne faut pas mettre de métaux dedans, parce que ça se décompose pas très facilement. Le troisième conseil, il ne faut pas se blesser, sinon ça fait mal, puis là on a des bobos. C'est ça, là tu m'avais pas écouté, là. Non, ben juste pour vous dire, je l'ai montré à Christian, j'ai une brûlure en forme de flamme ou de chat bizarre. C'est sur ma main. C'est du feu qui fait mal. Et c'est une belle brûlure qui a été faite avec de l'huile pendant que je faisais cuire de l'aigle fin. Ah, ok, c'était pas l'huile à moteur. Non. Tu cuisines pas avec ton huile à moteur. Non. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est l'huile d'avocat. Okay. Oh, l'huile d'avocat, oh shit. Okay, on va y aller avec le quatrième conseil de la pour bien finir la semaine. Si vous trouvez des champignons, ne le mangez pas. Payez-le avant s'il est à l'épicerie. Fait qu'on va y aller avec l'ultime conseil de la semaine. Si vous avez une course de pogostic dans votre ville ou environ, faites-moi signe, je veux voir ça. Alors, c'est tout, Andrew. Ben, merci beaucoup, Christian, de ces conseils pour bien finir la semaine et être heureux dans nos cœurs. Ben, j'espère que ça va mettre de la joie dans le cœur de tout le monde et surtout de Kevin. Ben, en tout cas, Chic Mimine, Lloyd Mimine. Ouais, il est content. Était avec nous autres. Ouais, c'était notre deuxième public. Ben oui, c'est ça. Il est resté avec nous tout le long. Ouais. Et désolé si l'émission pour la première a peut-être été un peu décousue, problème technique. On va s'ajuster. En même temps, ben, comme je disais, c'est une heure non-stop de nouvelles. Fait que veux pas. On s'arrange toujours pour avoir les nouvelles les plus fraîches possibles pour l'émission. Donc, ça implique également sortir les émissions, les nouvelles. Et je vous mentirai pas que je suis arrivé à peu près 20 minutes avant le show. Fait que j'ai été un petit peu court pour préparer le tout. Et on pouvait pas avoir plus live que nos bugs techniques live. Ben exactement. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Puissance Nano. Bien évidemment, idéalement sans les bugs techniques la semaine prochaine. Et également des nouvelles, un petit peu plus de nouvelles, parce que également on a perdu du temps avec les bugs techniques. Donc, on va faire ça. Mais dites-vous une chose, les nouvelles qu'on a traitées aujourd'hui, c'est des nouvelles qu'on n'aurait probablement pas eu le temps de traiter cette semaine à l'émission. Fait que vous êtes gagnants de toute façon. Donc, sur ce, ça fait un plaisir de vous informer en cette première édition de Puissance Nano. N'oubliez pas, le Puissance Nano fait partie du programme Puissance Maximale. C'est une page Facebook et un site Internet. Pour nous trouver, allez sur Facebook, écrivez Puissance Maximale et faites un j'aime parce que nous, mesdames et messieurs, on vous aime. Et également le site Internet, le www.puissancemaximale.com qui normalement vous êtes dessus pour nous écouter, mais des fois on est rediffusé ailleurs. Donc si vous nous écoutez en différé, n'oubliez pas d'aller faire un petit favori sur notre site, allez dessus car ces statistiques, mesdames et messieurs, ne paraît pas, mais font une très grande différence dans notre vie professionnelle et dans nos cœurs. Et dans nos cœurs. Donc, n'oubliez pas de propager la bonne nouvelle et restez à l'affût pour concours, actualités, nouvelles chroniques et peut-être